Et comment est-ce que tu fais, toi, pour engager la conversation? Je sais pas, moi. Il y a plein de trucs. Ce sont pas les trucs qui manquent. Bon, tenez, par exemple, vous dites, tiens, c'est vous. Qu'est-ce que vous faites là? Comment ça va depuis l'an dernier? Bon, la fille vous regarde, elle est étonnée. Comment? Vous ne me reconnaissez pas? Vous ne vous souvenez pas de moi? Mais si, voyons, l'été dernier à Saint-Tropez, ou l'hiver dernier à Courchevel, ou en Patagonie, ou bien l'année dernière à Marienbad. Comment? Vous n'êtes pas. Et vous dites un nom. Catherine Deneuve, Greta Garbo, Jacqueline Dupont, n'importe quoi. Non? Oh bah alors là, c'est fou ce que vous lui ressemblez. Mais alors, où est-ce que vous passez vos vacances? Enfin voilà, ça c'est un truc qui marche à tous les coups. Ou bien alors, je sais pas moi. Vous faites semblant de tomber devant elle dans un escalier. Ou bien, voilà. Vous laissez tomber des papiers devant elle. Elle vous aide à les ramasser. Vous la remerciez? Et voilà, je pense. Ça, ce n'est pas bien neuf. On connaît, on n'a rien de mieux. Oh, bah, il y a plein de trucs. Il y a des trucs. Des trucs. Des trucs. Il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs. Ce ne sont pas les trucs qui manquent. Ce ne sont pas les trucs qui manquent. Tenez, par exemple, vous dites, tiens, c'est vous? Par exemple, hein? Par exemple, par exemple. Vous dites, tiens, c'est vous? Tiens, c'est vous? Qu'est-ce qu'on peut dire à une jeune fille pour engager la conversation, d'après Jean-Pierre? On peut dire, tiens, c'est vous? Comment? Vous n'êtes pas... Vous n'êtes pas... Et vous dites un nom. Vous dites un nom. Non? Ah, mais alors, c'est fou ce que vous lui ressemblez. Ah, c'est fou. C'est fou. C'est fou. C'est fou ce que vous lui ressemblez. Vous lui ressemblez. Vous lui ressemblez. C'est fou ce que vous lui ressemblez. C'est fou ce que vous lui ressemblez. Quand la jeune fille vous affirme qu'elle n'est pas Catherine Deneuve ou Greta Garbo, qu'est-ce que vous lui dites? C'est fou ce que vous lui ressemblez. Ou bien, vous laissez tomber des papiers devant elle. Vous laissez tomber des papiers, des papiers. Vous laissez tomber des papiers devant elle. Devant elle. Vous laissez tomber les papiers devant elle. Elle vous aide à les ramasser. Elle vous aide. Elle vous aide à les ramasser. À les ramasser. Elle vous aide à les ramasser. Elle vous aide à les ramasser. Si vous laissez tomber des papiers devant une jeune fille, qu'est-ce qu'elle va faire, d'après Jean-Pierre? Elle va vous aider à les ramasser. Tout ça, ce n'est pas bien neuf. Ce n'est pas neuf. Neuf. Ce n'est pas neuf. Ce n'est pas neuf. Ce n'est pas bien neuf. Est-ce qu'Annick trouve que tout ça est original? Non, elle trouve que tout ça n'est pas bien neuf.